Leçon 3, activité 2 et 3, pagite, piste 9. Alice, pourquoi tu n'aimes pas le caramel? Parce que c'est un peu amer. Moi, je ne mange pas de dessert amer. Tu préfères les desserts sucrés? C'est ça, j'aime manger de la glace, du gâteau au chocolat. Il y a beaucoup de bons desserts à la cantine, c'est bien ça. T'as raison, j'adore la cantine.